sur le pare-brise. Entre elles se dessinent les ombres de quelques passants. Chacun plongé dans ses soucis ou sa triste vie grise. En quête peut-être d'un univers bouleversant ou d'un monde moins angoissant. Les refrains d'oiseaux s'évaporent de chaque arbre. Ce qui protège les fleuris de l'école d'en bas. Dans les parages, on croise des enfants au regard de marbre. En cachette, ils portent ce boulet leur tabac. Ou parfois, pour d'autres ébats. Il paraît que la vie est belle ailleurs, que l'argent y a perdu toute valeur, que les rires ont fait taire. Plus rien n'existe pour les râleurs. Si l'amour rayonne et que tout le reste se meurt.